Moi, ma mère, quand elle lit au soleil, elle voit tellement rien que c'est moi qui lui lis son magazine. Eh bien, la mienne, elle a une deuxième paire de verres Varilux, exprès pour le soleil. Solaire, sport, conduite. Pour votre deuxième paire, choisissez aussi Varilux avec les offres Calissime. Varilux, un verre Essilor. Opticien participant sur Essilor.fr. Dispositifs médicaux, consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien. Professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut. Il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler. Je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment expliquer la transcendance de l'Inca, ce principe de totalisation à partir duquel tout irradie et vers lequel tout converge? Qu'est-ce que le système des Seques à Cusco, la capitale de Tahuantinsuyo, l'Empire Inca? Philippe Descola, titulaire de la chaire Anthropologie de la nature, poursuit sa grande enquête autour des usages de la Terre en régime ontologique analogiste, dans le cadre de sa série pluriannuelle intitulée « Les usages de la Terre, cosmopolitique de la territorialité ». Depuis le dernier cours, il s'attache aux modèles originaux et raffinés du monde andin. Nous avons découvert hier l'Aïlou de Matcha, qui, selon l'hypothèse de John Moura, a rappelé notre anthropologue, représenterait un modèle de distribution spatiale antérieur au Tahuantinsuyo. Toujours selon John Moura, il fut repris par l'administration Inca et transformé en un moyen de contrôler les provinces éloignées par l'implantation de colonies militaires et la déportation de populations à la loyauté incertaine. Dans le modèle andin, explique encore Philippe Descola, c'est le souverain autochtone, la dynastie est originaire de la région de Cusco, le cœur de l'Empire, qui forme le point fixe autour duquel s'organise le collectif, et ce sont des segments internes que l'on prive de leur affiliation territoriale originelle. De l'Aïlou de Matcha à l'Empire Inca, nous avons affaire à des territoires discontinus, à des jeux d'échelle. Dès lors, comment le compromis entre une structure socio-cosmique totalitaire définissant les affiliations territoriales et des accommodements locaux entre groupes de voisinage appartenant à des segments, voire des populations antagoniques, pouvait-il fonctionner, demande Philippe Descola, non à l'échelle d'un archipel de 2000 km² comme celui de l'Aïlou de Matcha, mais à l'échelle gigantesque du Tahuantinsuyo. Découvrons tout de suite les séquences de Cusco, analysées par Tom Zuidema, ce modèle radial autochtone de l'Empire Inca qui permet d'inscrire sur des alignements partant de sa capitale des sites sacrés, des généalogies dynastiques, des classes matrimoniales, des événements calendaires et un réseau d'irrigation. Tout un monde. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 15 mars 2017 pour le cours de Philippe Descola, Les usages de la Terre, cosmopolitique de la territorialité, aujourd'hui, le système des Seques de Cusco. Le système des Seques a été décrit en 1653 par un père jésuite, Bernabe Cobo, dans un chapitre de son Historia del Nuevo Mundo, qui s'appelle Relación de los Seques. Et ces indications sont par ailleurs recoupées par d'autres documents, notamment par deux autres auteurs qui sont Cristóbal de Molina dans ses Fabulas y Ritos de los Incas de 1573 et Sarmiento de Gamboa dans son Historia General Yamada Indica de 1572. Toutefois, même si ces textes étaient connus des spécialistes, c'est véritablement un grand ethnologue et ethnohistorien, Tom Zwiedema, qui a débrouillé ces fragments distribués dans des documents épars et qui a reconstruit de façon précise et minutieuse le système des Seques dans sa thèse de doctorat, The Seque System of Cusco, et qu'il a d'ailleurs exposé ici même au Collège de France en décembre 83 et janvier 84, où il a été invité par Françoise Héritier. Alors, le système des Seques, dans la description de Bernabe Cobo, ce n'est pas un guide de la réalité de la structure du collectif centré sur la ville de Cusco, c'est une représentation de cette structure dans un modèle autochtone, d'une redoutable complexité, et dans lequel les dimensions spatiales, temporelles et sociales sont étroitement intégrées. Ce modèle caractérisait l'organisation de la capitale, Cusco, qui à son tour symbolisait celle de tout l'Empire Inca, puisque les conquérants Inca avaient généralisé au Tahuantinsuyu, c'est-à-dire à l'Empire Inca, les catégories spatiales et sociales qui caractérisaient le fonctionnement de la capitale. Donc l'étude de ce modèle, de ce mode d'organisation des êtres et des lieux qui structure la capitale et l'empire, permet de comprendre la représentation de l'organisation spatiale de l'empire telle qu'elle a été forgée par les élites administratives de cet immense collectif. Ce mode d'organisation donne en outre la clé du système de parenté qui est ordonné par les mêmes principes que l'espace. Et donc le système des Seques commande une structure complexe qui fonctionne sur trois plans. Spatialement, le modèle représente la matrice sur le modèle de laquelle est organisé l'Empire. Temporellement, le modèle donne les principes fondamentaux qui permettent d'interpréter le régime d'historicité inca qui se déploie dans une temporalité socio-cosmique où les âges du monde et les successions dynastiques sont étroitement combinés. Et socialement et politiquement, ce modèle règle le fonctionnement du système de parenté et en particulier d'un système de parenté qui permettait aux Incas de perpétuer leur pouvoir grâce à des échanges matrimoniaux. Alors c'est un système, le système des Seques, qui est ordonné par la conjonction de plusieurs principes numériques. Polo de Ondegardo, qui est la source principale, présente une description d'environ 400 lieux sacrés, qu'on appelle les Waka dans le monde andin, à l'intérieur et autour de Cusco, correspondant à des rochers, à des sources, à des bâtiments qui, pour une raison ou une autre, avaient une signification particulière dans la mythologie ou dans l'histoire inca. Or, ces sites étaient répartis en groupes, et chaque groupe de sites était conçu comme disposé sur une ligne imaginaire appelée Seque. Toutes ces lignes étaient censées converger au centre de Cusco, au Temple du Soleil, ou plutôt diverger à partir du centre de Cusco, puisque c'était vraiment le foyer du principe d'organisation du système des Seques. Et l'entretien et le culte des sites disposés sur ces lignes étaient assignés à chaque fois à des groupes particuliers qui avaient un nom spécifique. Donc le principe général, c'était que la capitale, comme l'Empire, était organisée en quatre quartiers. Au nord, le Chinchasuyu, au sud, le Koyasuyu, à l'est, l'Antisuyu, à l'ouest, le Kuntisuyu. Chaque quartier était lui-même divisé en trois sections, Koyana, Payan, Kayao, et chaque section était répartie en trois séqués, A, B et C, qui s'appelaient également Koyana, Payan, Kayao. Donc chaque quartier est divisé en trois sections, et chaque section est divisée en trois séquées, et chacune de ces divisions reproduit à chaque fois la tripartition Koyana, Payan et Kayao. Outre leur dimension spatiale, ces trois catégories avaient également une dimension sociale. Koyana désigne le groupe des chefs, c'est-à-dire les conquérants incas. Kayao représente les populations vaincues, non incas, tandis que Payan correspond à un groupe mixte constitué par les assistants et par les serviteurs des chefs, à la fois incas et non incas. Donc ce système des séquées fait apparaître une division schématique ordonnée autour de trois principes numériques. La tripartition, à savoir trois sections composées chacune de trois séquées, la quadripartition, les quatre grands quartiers, et à l'analyse, comme on va le voir, la division par moitié. En effet, on constate que dans les quartiers 1 et 3, les sections 1, 2 et 3, Koyana, Payan et Kayao, et les séquées à l'intérieur de ces sections, se suivent dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais lorsque l'on passe de l'autre côté, on s'aperçoit que les sections et les séquées se suivent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de sorte que les deux séquées du haut du quartier Chinchai-Suyu, le quartier 1, et du quartier Kunti-Suyu, le quartier 4, sont équivalents en haut et en bas entre Anti-Suyu et Koya-Suyu. Si bien donc que les quartiers 2 et 4 reflètent de façon symétriquement inverse les quartiers 1 et 3, constituant ainsi un système par moitié. Donc les quartiers 2 et 4 forment le Urin-Cusco et les quartiers 1 et 3 forment le Anan-Cusco. Le Urin-Cusco, c'est le Bas-Cusco, et le Anan-Cusco, c'est le Haut-Cusco. Donc une division en moitié qui est d'ailleurs caractéristique dans le monde andin. En outre, le jeu des analogies se poursuit avec une autre transposition entre niveaux, puisque les catégories Koyana, Payan et Kayao sont également appliquées aux quatre quartiers de Cusco et de l'Empire. Autrement dit, l'ordre hiérarchique de la tripartition, puisque Koyana, Payan et Kayao ne sont pas situés sur le même niveau hiérarchique, se projette sur l'organisation dualiste et sur l'organisation quadripartite, laquelle est elle-même hiérarchisée avec une moitié supérieure, donc Anan-Cusco, et une moitié inférieure, Urin-Cusco. En effet, le quartier Chinchai-Suyu est assimilé à Koyana, le quartier Anti-Suyu est assimilé à Payan, le quartier Koya-Suyu est assimilé à Kayao, et le quartier Kunti-Suyu est assimilé à Payan et Koyana. On verra pourquoi cet ajustement, c'est-à-dire quand on veut passer d'un système tripartite à un système quadripartite, on est obligé effectivement d'aménager certaines des catégories. La division dualiste est par ailleurs confirmée par d'autres données qui relèvent de l'organisation sociale, à savoir l'existence des panakas et des ailous, lesquels sont liés au seke. Un panaka, c'est le groupe qui est formé par les descendants d'un chef inca, à l'exception de l'héritier légitime du trône, qui fondait son propre panaka. Les ailous sont des groupes de parenté qui ne descendaient pas d'un chef inca. Et donc, dans les quatre quartiers de Cusco, on comptait 10 panakas et 10 ailous, et quoique l'histoire légendaire rapporte l'existence de 13 incas, les 10 premiers seulement sont désignés comme fondateurs d'un panaka. Les panakas correspondent au séqué Payan, les ailous au séqué Kayao, tandis que les chefs incas, fondateurs de panaka, sont liés au séqué Koyana. Or, les panakas des 5 premiers Incas sont situés dans les quartiers 2 et 4, c'est-à-dire dans Urincusco, alors que les Panacas des 5 autres Incas sont situés dans les quartiers 1 et 3 et appartiennent à Anancusco. Donc la distribution de l'espace à Cusco permet de dégager un certain nombre de principes d'organisation qui s'appliquent également aux humains. La tripartition, le dualisme et la division décimale qui se chevauchent et qui s'interpénètrent. La tripartition, elle s'articule autour de la distinction fondamentale entre Koyana, Payan et Kayao. Koyana désigne le groupe endogame des Go et des ancêtres de tous les individus Koyana. Et tous les individus Koyana appartiennent à la parenté principale, qui est également appelée par les Espagnols la parenté légale, des Go. Le reste de l'humanité, non parents des Go, dans lequel les hommes Koyana pouvaient choisir leurs secondes épouses, étaient appelés Kayao. Et les descendants des mariages subsidiaires entre hommes Koyana et femmes non Koyana étaient appelés Payan. Le groupe Koyana, donc, dont je rappelle qu'il est constitué par les conquérants Incas, il est à la fois ouvert et fermé. Il est fermé parce que appartiennent à Koyana tous les individus qui descendent d'un même ancêtre en ligne patrilinéaire ou en ligne matrilinéaire et qui se marient entre eux. Mais il est ouvert parce que les hommes Koyana peuvent prendre des épouses dans le groupe Kayao dont les enfants seront des Payan. Et le groupe Payan peut à son tour être considéré à la fois comme ouvert et comme fermé puisqu'il est possible à un homme Payan d'épouser une femme Koyana. Quant au mariage exogame d'un homme Payan et d'une femme Kayao, il implique que l'homme Payan, puisque sa mère était Kayao, il implique qu'il épouse une femme équivalente pour lui à la fille du frère de sa mère. Tout ça, c'est le jargon des anthropologues, puisque les rapports exogames entre les trois groupes deviennent ainsi réglés par le modèle du mariage asymétrique avec la cousine croisée matrilatérale. Et de ce fait, la tripartition exprime une hiérarchie qui est à la fois sociale et spatiale. Sociale, donc on a Koyana, le groupe des chefs, Payan, les assistants, les serviteurs des chefs, Kayao, les populations vaincues et non vaincues. Spatiale, les Koyana résident au centre de Cusco. Payan, ils sont établis à l'intérieur de la capitale, mais dans des quartiers différents, et Kayao, ils sont établis à la périphérie de la capitale. Ajoutons que les trois termes de la tripartition désignent également un degré de parenté, soit en ligne ascendante, soit en ligne descendante. Donc, Koyana était la classe de mariage des Go, Kayao, celle du père, tandis que Payan était la classe de mariage, soit du fils, soit du grand-père. Et la combinaison des trois groupes de la tripartition va permettre de caractériser le second principe numérique qui est le dualisme. En effet, de la tripartition, de la double fonction endogame et exogame de Koyana, puisque les hommes Koyana pouvaient prendre des épouses ailleurs que dans leur groupe, et de la nature ambiguë de Payan, naît une double opposition dualiste. D'une part, Koyana et Payan sont considérés comme parents et constituent un ensemble assimilé aux Incas, par opposition au groupe Kayao, qui est à la fois étranger et vaincu. D'autre part, seul Koyana représente les Incas, par opposition à Payan et Kayao, qui sont des ensembles assimilés aux non-Incas. Or, ces oppositions dualistes, elles entraînent des conséquences intéressantes à l'intérieur même des trois groupes théoriquement endogames, Koyana, Payan et Kayao, Parce que, comme l'a établi Tom Zwiedema, le groupe endogame, pour fonctionner, doit être composé de quatre classes matrimoniales matrilinéaires liées par un mariage asymétrique avec la cousine croisée, fille du frère de la mère, est répartie en deux moitiés, exogames et matrilinéaires. En effet, la prohibition de l'inceste impliquait qu'à l'intérieur de ces groupes endogames, il puisse y avoir des classes de mariage exogames. Par ailleurs, les groupes Koyana, Payan et Kayao étaient chacun considérés comme étant divisés en quatre classes de mariage, chacune de ces classes comprenant une fraction Koyana, une fraction Payan et une fraction Kayao. Or, des transferts avaient lieu entre ces diverses catégories. D'une part, les catégories de la tripartition, c'est-à-dire Koyana, Payan et Kayao, étaient appliquées à l'intérieur du groupe endogame au sous-groupe exogame. Et les mariages à l'intérieur du groupe endogame étaient également orientés selon le modèle du mariage asymétrique avec la cousine croisée matrilatérale. Pourtant, de fait, l'application simple de la tripartition à l'intérieur du groupe endogame se heurtait à des impossibilités. En effet, dans la mesure où la tripartition exprimait une hiérarchie, il en résultait qu'à l'intérieur du groupe endogame, les oppositions symétriques étaient impossibles. Et si elles avaient été réalisées, ces oppositions symétriques, une classe matrimoniale se serait opposée à deux autres, et ces deux dernières auraient revêtu un caractère endogame qui aurait brisé l'endogamie globale du groupe. Donc un des sous-groupes se dédouble pour éliminer la difficulté. Et donc finalement, le groupe endogame, il se compose finalement de quatre classes qui sont réparties en deux moitiés identiques, organisation qui permet les différents types d'opposition dualiste fondés sur les catégories Koyana, Payan et Kayo. Donc le dualisme et la quadripartition n'apparaissent jamais isolés dans le système des séqués, mais combinés avec le modèle général de la tripartition. Dans ces conditions, eh bien, il apparaît que ce système d'échange qui est régi par l'organisation spatiale du système des séqués peut être assimilé à ce que Lévi-Strauss avait appelé une structure diamétrale, et dont il écrit dans les structures dualistes existent-elles, l'article qu'il avait consacré au dualisme Bororo, je le cite, que peut-être même elle existait au Cusco. Donc il avait une grande intuition, puisque c'était avant que Tom Zwiedema débrouille la complexité de ce système de parenté. En effet, il existe une grande similarité entre le système dualiste Bororo et le système dualiste du Cusco, dans la mesure où il s'agit, dans les deux cas, d'un faux dualisme, avec des moitiés pseudo-exogames fonctionnant en fait selon un système ternaire. Or, comme Lévi-Strauss l'avait bien vu dans son article sur les sociétés dualistes existent-elles, je le cite, « L'étude des organisations dites dualistes révèle tant d'anomalies et de contradictions par rapport à la théorie en vigueur que l'on aurait intérêt à renoncer à cette dernière » et à traiter les formes apparentes de dualisme comme des distorsions superficielles de structures dont la nature réelle est autre et beaucoup plus compliquée. Et il poursuit, c'est ça qui est important, ces anomalies n'avaient nullement échappé à l'attention des inventeurs de la théorie dualiste, je veux dire Rivers et son école, elles ne les gênaient pas parce qu'ils se représentaient les organisations dualistes sur la base même de ces anomalies comme autant de produits historiques de l'union entre deux populations différentes par la race, par la culture ou simplement par la puissance. Dans une telle conception, les structures sociales considérées pouvaient être à la fois dualistes et asymétriques et même elle le devait. Fin de la citation. Et cette conclusion, évidemment, elle pourrait être parfaitement appliquée au Tawantinsuyu, qui est un système qui se donne notamment pour but d'intégrer par le mariage des populations conquises, tout en maintenant la suprématie des groupes de filiation dominants. Il n'est pas illégitime, en effet, de penser que les distorsions du système d'échange par moitié du Cusco, tel qu'il est modélisé par le système des Seques, représentent le produit historique d'une mutation sociale. Tout semble indiquer, en effet, que les populations soumises par les Incas étaient organisées selon un système de moitié, tout comme elles le sont encore dans une grande partie de la région andine à l'heure actuelle, ce à quoi les Incas auraient ajouté une division ternaire après leur conquête, tout en laissant au système d'échange le caractère apparent d'un dualisme symétrique. Et donc, la constitution d'une pseudo-exogamie permettait ainsi la reproduction sociale de l'aristocratie inca, sans que les peuples conquis ne perçoivent clairement, au fond, la modification du système d'échange matrimonial. Le dernier principe numérique propre au système inca est celui de la division décimale, dont le premier élément est constitué par le groupe des 10 panakas et des 10 aïlous mentionnés précédemment. Les 10 panakas, c'est-à-dire les 10 groupes de filiation issus d'un souverain inca, et les 10 aïlous, les 10 groupes de filiation qui sont des groupes de filiation inca, mais pas directement issus d'un roi. 10 incas se sont succédés, selon les récits dynastiques autochtones, dont 5 appartiennent à la moitié Urincusco et 5 à la moitié Anancusco, ces derniers ayant été les derniers à régner. Une corrélation se manifeste ainsi entre le système des Seques, l'histoire dynastique, la légitimité du souverain d'une certaine façon se renforçant de son insertion dans une structure cosmologique. Mais la division décimale, elle gouvernait aussi la répartition des groupes de tributaires et des classes d'âge. Toute la population de l'Empire, en effet, était répartie en groupes de 10, de 50, de 100, de 500, de 1000, de 10 000 et de 40 000 tributaires. Et chaque groupe était coiffé par un curaca, lequel était placé sous l'autorité hiérarchique du chef du groupe immédiatement supérieur. Et au sommet de la hiérarchie se situait l'Inca, secondé par 4 apus, donc des grands, terme quichua, qui étaient à la tête de chacun des quartiers de l'Empire. À l'intérieur de chaque quartier, un groupe de 40 000 tributaires constitue en principe une province, dirigé par un gouverneur, nommé par l'empereur, qu'on appelait le Toklikuk, un personnage important appartenant à la caste des Incas. Quant à l'Aïlou, il était en principe constitué d'un groupe de 100 tributaires dirigé par un curaca sous les ordres du Toklikuk, les curacas étant tous issus de lignages locaux. Donc les chefs. Depuis les chefs de 40 000 tributaires jusqu'aux chefs de 100 tributaires, c'est-à-dire au fond toute la hiérarchie des chefs, des curacas, allant depuis la province et même le quartier jusqu'à l'Aïlou, était évidemment dispensée de tribut et dispensée de travail manuel. Leurs obligations consistaient au fond à administrer les biens de l'Inca, et il lui devait des dons annuels d'objets précieux. En revanche, les chefs des segments terminaux, ceux des groupes de 50 tributaires et des groupes de 10 tributaires, étaient astreints au travail sur les terres de l'Inca, et aux tribus, et on peut les considérer comme des sortes de contremaîtres, originaires des communautés locales, qui supervisaient le travail de leurs concitoyens. Alors évidemment, on peut se demander, et les spécialistes du monde andin ne sont pas fait faute de se poser la question, si ce système de répartition décimale de la population correspondait à une organisation réelle ou s'il reflétait un modèle purement idéal. On sait par les chroniqueurs que l'administration Inca était néanmoins attentive à faire coïncider de façon approximative le cadre décimal et les groupes dont elle assurait la gestion et l'encadrement, notamment en répartissant à l'occasion les populations lorsque cela était nécessaire pour que les groupes s'approchent des quantités qui étaient fixées dans leur définition. On sait aussi que le dispositif administratif était très centralisé. Le contrôle de l'Inca et des élites de Cusco s'exerçant moins par, au fond, la volonté de faire rentrer la réalité de la distribution des populations dans un modèle décimal que par un système très bien organisé de surveillance des membres de la hiérarchie les uns par les autres et par le recours à des inspecteurs dotés de pouvoirs d'enquête étendus. Une autre variante du système décimal, enfin, était la répartition de la population de l'Empire en 5 classes d'âge, depuis les enfants de la naissance à 18 ans jusqu'aux personnes âgées à partir de 60 ans, avec une classe intermédiaire des adultes de 25 à 50 ans qui était elle-même subdivisée en 5 catégories, échelonnées, elles, de 5 en 5. Alors, il est possible que ce classement décimal n'était qu'une fiction bureaucratique, pour reprendre une formule d'Alfred Métraux, mais il en dit beaucoup, au fond, sur la façon dont l'élite régnante se représentait l'Empire. Personne, absolument personne, au Tawantinsuyu, depuis les nourrissons jusqu'aux vieillards, n'échappait au quadrillage des humains et des lieux, du temps et de l'espace, des divinités et des redevances que l'État impérial avait mis en place. Et encore, je ne vous ai donné qu'un aperçu très rapide du système des séquets. Je ne suis pas rentré dans le détail des enchevêtrements dont le système des séquets trace la cartographie et à l'étude desquels Tom Zuidema a consacré sa vie, par exemple les correspondances entre les districts d'irrigation et l'organisation des Vierges du Soleil, c'est-à-dire c'est une classe d'âge féminine dont le recrutement était fondé sur la beauté, ou bien les correspondances entre le calendrier astronomique et l'organisation rituelle de l'espace. Une société de ce type-là, évidemment, est difficile à caractériser. Louis Baudin avait intitulé la monographie qu'il avait consacrée jadis aux Incas, l'Empire socialiste des Incas. De la même façon, Françoise Héritier, dans la préface qu'elle a rédigée pour le livre de Zuidema qui s'appelle « La civilisation Inca au Cusco », qui est une reprise des cours qu'il avait donné ici même, dans cette préface, Françoise Héritier parle de l'organisation à propos de l'organisation de cet empire, je la cite, d'un système totalitaire de représentation. Et c'est vrai que c'est un terme qui vient spontanément à l'esprit quand il s'agit de définir ce rêve délirant de complétude, d'englobement, d'emboîtement, dans lequel chaque être, chaque site, chaque objet, chaque moment doit être à sa place, relié aux autres éléments du monde par des réseaux denses et polyvalents qui permettent de transposer des classes d'êtres dans des orientations spatiales, des séquences temporelles dans des cycles matrimoniaux. Et donc en ne laissant subsister aucune singularité hors des filets que ces réseaux tissent, le Tawantinsuyu mieux encore peut-être que l'empire du milieu en Chine, a poussé au plus haut degré d'accomplissement l'aspiration de tout collectif analogiste de connecter l'ensemble de ses composantes, pour hétérogènes qu'elles puissent paraître de prime abord, au sein d'une totalité rendue cohérente par une grille d'interprétation unique. Collège de France et France Culture vous présentent l'anthropologue Philippe Descola, les usages de la terre, cosmopolitique de la territorialité, aujourd'hui le système des séquesses de Cusco. L'Inca, le principe de totalisation par excellence, à partir duquel tout irradie et vers lequel tout converge, a sans doute joué un rôle central dans la solidité de cet édifice. La différence est grande, en effet, avec les rois sacrés africains dont le pouvoir dérive la plupart du temps de leur faculté d'incarner aux yeux de leurs sujets la prospérité du royaume, qui sont donc des souverains qui règnent mais qui ne gouvernent pas, parce que par contraste, l'Inca gère et administre. Il lève tribut, il impose le travail forcé, il intègre de nouvelles populations à son empire par les armes, il punit les populations qui se rebellent. Surtout, il continue de contrôler une partie de la terre dont il s'est emparé, celle sur laquelle ses sujets doivent travailler pour son compte et pour celui de la religion d'État. Et de fait, il y a deux caractéristiques du système inca qui tranchent sur les royautés sacrées traditionnelles, caractéristiques qui permettraient peut-être de comprendre à quelles conditions un personnage n'ayant qu'une autorité magico-religieuse, sans aucun lien avec le contrôle de la terre productive, peut se convertir en un monarque exerçant un véritable pouvoir politique et administratif sur ses sujets et sur certaines des terres qu'il cultive. La première de ces caractéristiques, c'est que l'Inca, à la différence du roi sacré Chilouk ou Mundong par exemple, le roi sacré Inca, il est au cœur d'un dense réseau d'échanges matrimoniaux. On se souviendra que Luc de Heuch, dans sa caractérisation du roi sacré africain, avait insisté sur le fait que le souverain, qui est un étranger, qui ne s'immisce pas dans les affaires des clans, recevait des clans des épouses, parfois en très grand nombre, sans donner ses filles en échange. De ce fait, le roi sacré échappait au tissu des obligations que créent les échanges matrimoniaux. Il était littéralement hors circuit. J'avais mentionné qu'il était hors sol, mais il est aussi hors circuit. Les épouses qu'on lui donnait étaient en quelque sorte le réceptacle et le diffuseur de sa fécondité dans le royaume, et non une contrepartie pour cette fécondité. Et évidemment, ne donnant pas de femme lui-même, il ne créait pas de débiteur chez ses sujets, raison pour laquelle Luc de Heuch avait défini ce processus comme une inversion de la dette. Et il le voyait comme le mécanisme principal rendant tangible l'extériorité du roi, ce qui lui donnait sa dimension transcendante et sacrée. Séparé de ceux dont il est réputé assurer la prospérité et pleinement transcendant à leur existence ordinaire, le roi sacré africain n'entretient avec ses sujets aucun des liens que l'affinité engendrée par l'alliance de mariage permet de maintenir entre des individus et des groupes. Or, c'est l'inverse qui se passe avec le roi sacré Inca, au moyen d'un système très compliqué, comme on l'a vu, et qui, grâce à un échange généralisé à quatre classes et deux moitiés, hiérarchisé, permet tout à la fois la perpétuation de lignages royaux qui sont théoriquement endogames et la circulation des conjoints potentiels au-delà de ces lignages dans un cycle qui parcourt tous les segments sur plusieurs générations. Alors évidemment, il s'agit là d'un modèle. Et on ne sait pas si, puisque personne n'a relevé les généalogies véritables comme le font les ethnologues lorsqu'ils comparent les modèles de systèmes de parenté de leurs informateurs et la façon dont ils réalisent les mariages dans les fêtes, personne n'a réalisé cette vérification. Donc on ne sait pas si cet échange généralisé fonctionnait tel qu'il a été décrit ou tel qu'on peut le reconstruire à partir des sources disparates ethno-historiques. Ce que l'on sait fort bien, en revanche, c'est que, comme l'écrit l'auteur anonyme du Discurso sobre la descendencia y gobierno de los Incas, les curacas provinciaux, les chefs provinciaux d'un certain rang, qui se rendaient chaque année à Cusco au mois de mai pour la fête du Raymi, de l'Inti Raymi, recevaient de l'Inca, entre autres choses, des femmes et des serviteurs. Et ces femmes, elles appartenaient aux lignages royaux et elles pouvaient être vues comme des retours dans l'échange pour les femmes de la parentèle des curacas que ces derniers envoyaient à Cusco afin de servir d'épouses secondaires aux membres des lignages royaux. Donc, à la différence de la royauté sacrée africaine, dans laquelle les clans sont des donneurs de femmes, mais pas des preneurs, vis-à-vis du roi, évidemment, la circulation matrimoniale allait ici dans les deux sens, faisant de l'Inca un parent par alliance, des principales lignées de curacas disséminées dans tout l'Empire. En outre, le tribut dû à l'Inca par les Ailu conquis était vu comme un échange et non comme une spoliation, puisque les communautés locales travaillaient la terre de l'Inca, pourtant prélevée à l'origine sur leurs propres communaux, comme une contrepartie pour le droit de cultiver la terre communautaire et en échange des bienfaits, de la protection et des dons alimentaires que l'Inca dispensait à ces sujets dans certaines circonstances. Autrement dit, là où le roi sacré africain recourt à des rapines plus ou moins discrètes sur le dos de ses sujets, rapines qui sont tolérées parce qu'il est réputé, ce roi sacré, faire venir la pluie et assurer la fertilité des terres agricoles, le roi sacré andin maintient avec les représentants des segments qui composent le collectif, un réseau d'échanges fondé sur les apparences de devoirs réciproques entre partenaires égaux. Alors, évidemment, une question se pose. Dans ces conditions, comment expliquer la transcendance de l'Inca? Comment se fait-il qu'il puisse servir de principe de totalisation extérieur au segment constitutif de l'Empire s'il noue et perpétue par ailleurs avec ses segments des rapports d'échanges matrimoniaux et d'échanges économiques qui font de lui un terme dans une relation présentée comme réciproque, même si elle ne l'est pas dans les faits. Alors il y a plusieurs réponses possibles à cette question. La première est que l'Inca est ontologiquement différent du reste des êtres. Il est extérieur car il est divin. Tous les observateurs ont noté la crainte et le respect avec lesquels ce personnage auguste était traité, la pompe de ses apparitions et de ses déplacements, bref, la sacralité de sa personne. Mais l'explication n'est pas suffisante, et elle est peut-être même circulaire. L'extériorité dans laquelle le souverain est tenu à l'égard de ses sujets, la terreur sacrée qu'il inspire, fonde la croyance en sa divinité, au moins autant que sa divinité ne l'isole du commun des mortels. Or, cette extériorité de l'Inca, elle était d'abord inscrite dans l'espace. Et c'est cette dimension spatiale de sa singularité qui constitue la deuxième caractéristique le différenciant des rois sacrés africains. Alors certes, comme on l'a vu, la capitale du roi Chilouk jouissait déjà d'un régime d'extraterritorialité qui en faisait une sorte d'enceinte utopique, hors du monde, fermé à la plupart de ses sujets et où la mort et l'enfantement étaient tenus en lisière. Mais si cette extériorité relative protégeait le roi des aléas ordinaires de la vie de ses sujets, si elle le situait hors de la chaîne des événements quotidiens, elle ne lui permettait pas d'imposer sa marque permanente sur le royaume. La capitale du roi Chilouk, Fashoda, était hors du temps et de l'espace, mais elle ne structurait pas la vie des clans. Par contraste, Cusco, la capitale du Tahuantinsuyu, et la résidence de l'Inca, constituaient le centre symbolique et effectif à partir duquel s'organisait le système des Seques, donc des quatre quartiers, et de l'ensemble du réseau de coordonnées couvrant l'Empire. Ce centre était donc la détermination à partir de laquelle tout le reste s'organisait et prenait sens, de sorte que, on peut dire, que cette détermination ne saurait faire partie de ce qu'elle totalisait. L'extériorité du centre, ici, elle est moins physique que logique, d'une certaine façon. En n'importe quel point du réseau spatial, il fallait se référer à ce centre pour se situer dans l'échelle des catégories sociales, dans l'échelle des sites, dans le système de temporalité, mais en son cœur, dans le temple du soleil, on était en quelque sorte comme dans un vide, sans plus de connexion à autre chose que n'en aurait l'astre central d'un système planétaire solitaire. Mais il y a plus. Le système des Seques n'était pas simplement une cartographie radiale de l'Empire permettant d'inscrire sur ses alignements des sites sacrés, des généalogies dynastiques, des classes matrimoniales et des événements calendaires. C'était aussi et peut-être d'abord le schéma d'un réseau d'irrigation. Et donc, l'expression de ce que l'Inca était au cœur de la fertilité du Tahuantinsuyu par la maîtrise de l'eau. Et là où le roi sacré africain tire son autorité du pouvoir dont il est crédité de faire tomber la pluie, événement aléatoire dont le non-accomplissement, s'il se répète trop souvent, peut valoir à ce roi sacré de sérieux déboires. Le souverain Inca, par contraste, est le maître d'une eau qui est tout aussi nécessaire à la vie et à la fertilité, mais dont il contrôle très concrètement le flux. Le système des Seques, je le rappelle, c'est un ensemble donc de lignes imaginaires qui partent du temple du soleil dans toutes les directions et sur lesquelles sont situés 328 sites sacrés, Waka, Et ces lignes, eh bien, elles connectent notamment des sources, des rivières, des puits, des canaux, avec d'autres lieux sacrés qui possédaient une fonction calendaire, une fonction d'observation astronomique, chacun de ces points constituant le départ d'une ligne de mire prolongeant celle dont il était le point d'aboutissement. Les lignes des séquesses étaient en outre la base de parcours rituels qui permettaient aux sites qu'elles reliaient de remplir une fonction lustrale. Le plus important de ces parcours rituels était accompli lors du rituel de la Situa, qui avait lieu au moment de l'équinoxe de septembre. À cette date, qui précédait le début de la saison des pluies, Cusco était, dit-on, la proie des souillures et des maladies qu'il fallait purifier. Alors, regroupés sur la place centrale, les participants au rituel réunissaient les 10 panakas, donc les lignages royaux, et les 10 ailu, les lignages inca mais non descendus d'un chef, tandis que la population non inca quittait la ville. Des guerriers qui appartenaient à ces 20 groupes s'engageaient alors en courant sur les routes dans toutes les directions, en chassant devant eux avec leurs lances les maux qui affligeaient la ville. Et en chemin, des groupes non inca prenaient la relève, et cette course de relais se prolongeait jusqu'à ce que les derniers guerriers puissent se débarrasser des maux en les jetant dans l'un ou l'autre des deux principaux fleuves de la région, le Vilcanota à l'est et l'Apurímac à l'ouest. Or, chaque segment social participant au rituel, inca comme non-inca, avait la responsabilité d'un tronçon de ce que l'on pourrait appeler le système des eaux à Cusco, et autour de Cusco, depuis le puits sacré situé dans la cour du temple du soleil qui dépendait de l'Inca, jusqu'au fleuve Vilcanota et Apurímac. Et lorsque les 400 coureurs avaient accompli leur périple, les autres habitants de Cusco se dirigeaient alors vers les rivières, vers les puits, vers les canaux correspondant à leurs séquées, afin de se débarrasser de leurs souillures en se lavant. En outre, tous les séquées étaient orientés dans la direction générale des sources qui fournissaient de l'eau à la ville de Cusco, et ils comportaient des sites sacrés directement associé à l'eau, des ponts, des puits, des ravins. Autrement dit, le système des séquesses recouvrait de nombreux points d'un réseau aquatique dont l'Inca était le centre et dont il était réputé avoir la maîtrise, mais dont les tronçons étaient à la charge des segments composant le collectif selon leur degré de proximité à l'Inca. Or, dans les communautés andines contemporaines, la construction et l'entretien des réseaux d'irrigation sont également segmentés par tronçons, chaque groupe prenant en charge une section des canaux, toujours la même. Et la description que donne Thomas Bartel dans les années 1950 des rites de l'eau qui se déroulent dans le territoire du village atacameño de Socaire, sur un altiplano aride au nord du Chili, permet d'éclairer le rite de la Situa à Cusco. Eh bien, il s'agit d'un rite qui a lieu au début de la saison agricole, en octobre, à l'occasion du nettoyage d'un réseau d'irrigation. Chaque famille est chargée de nettoyer une portion de canal qui prend son départ à 2 km du village dans un ravin au pied d'une montagne qui s'appelle le Chilique. Après le nettoyage du canal, les habitants du village se rendent près de la prise d'eau qui alimente ce canal afin d'offrir de la bière de maïs aux montagnes, chacune des montagnes étant honorée tour à tour. La montagne Chilique, où le canal prend naissance, et puis quatre montagnes situées dans toutes les directions et dont on dit qu'elles sont en quelque sorte les châteaux d'eau alimentant la montagne de Chilique. Plus tard, les chefs de famille les plus importants du village, une quarantaine d'entre eux, se retrouvent pour procéder à des libations, toutes consacrées à l'eau, aux sources et aux montagnes qui concentrent l'eau et font venir les nuages et la pluie. Les montagnes et les sources, dans toutes les directions, évidemment bien au-delà du village, sont alignées le long d'axes partant d'un point central où se réunissent les représentants des familles qui se répartissent l'entretien des différents tronçons du canal d'irrigation et qui participent conjointement aux rites et aux offrandes destinées à pérenniser le flux aquatique. Autrement dit, il s'agit, dans les grandes lignes, d'un modèle réduit du système des Seques du Cusco, encore opérationnel au XIXe siècle. Quelle est la différence entre ce dispositif, tel qu'il fonctionne à Socaire, et le système des Seques à Cusco? Il ne s'agit pas tant d'une différence d'échelle, car les deux dispositifs sont structurellement équivalents dans les principes qui guident leur fonctionnement, à l'exception d'un seul qui est de taille. Le système des Seques est topologiquement centré sur un individu, le souverain, qui ramasse dans sa personne la totalité des perspectives distribuées dans les segments. Donc l'Inca est l'intégrateur qui concentre dans le foyer central tous les rayons qui irradient à partir de la capitale. Il se trouve donc dans une situation paradoxale qui le distingue fortement des rois sacrés africains et qui le met en situation d'exercer un pouvoir réel. Parce que d'une part, il maintient avec les représentants des segments composant le collectif un réseau d'échanges économiques et matrimoniaux fondé sur les apparences d'obligations mutuelles entre partenaires égaux, et donc il gouverne, et sous les auspices de la réciprocité, même si c'est une réciprocité illusoire. D'autre part, il est le centre divin à partir duquel toutes les solidarités segmentaires s'organisent, où tous les points de fuite trouvent un sens, où tous les humains et non-humains du royaume se trouvent fermement situés. Il règne donc et sous les auspices de l'extériorité que lui donne son point de vue rassembleur. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 15 mars 2017 Philippe Descola, Les usages de la terre, cosmopolitique de la territorialité. Aujourd'hui, le système des Seques de Cusco. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Philippe Descola. Il a notamment publié par De la nature et culture en 2005 chez Gallimard, et plus récemment La composition des mondes, entretien avec Pierre Charbonnier chez Flammarion en 2014. Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France, réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie de Philippe Descola son analyse des collectifs analogistes andins et nous découvrirons les Chipayas de Bolivie. Et dans quelques instants, nous retrouvons les Petits Matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.